confins de ses possibilités égoïques. Mène l'ego aux confins de ses possibilités en tant que personnalité. Là, là, t'es réellement dans l'énergie. Tu fonctionnes avec l'énergie. C'est l'âme qui rentre. Tu n'as plus rien à perdre à ce moment-là. Tu n'as rien à perdre. Tu n'es pas capable de perdre de rien. Parce que l'affaire de rien avoir rien à perdre, l'affaire d'avoir rien à perdre, c'est bien subtil. Quand tu penses que tu as quelque chose à perdre, c'est parce que tu fonctionnes encore au niveau de l'ego et de la personnalité. Quand tu n'as plus rien à perdre, tu n'as rien à perdre. Là, tu peux fonctionner dans les... Là, tu as l'interception de cette vibration. Là, tu commences à être libre. T'as rien à perdre, t'as rien à gagner, t'as rien à perdre, t'as rien à gagner, t'as même pas « oh, hey », t'as « hey, guy ». Puis ça, c'est l'acheminement naturel de la conscience vers la conscience pure, vers l'universalité de l'homme. C'est pour ça que la descente de la pensée supramentale sur la Terre doit être expliquée à l'homme. Ça ne peut pas passer simplement par la philosophie du supramental. Ça doit être expliqué. Ça doit être donné à l'homme en tant qu'instruction parce que ça ne se pense pas. Ça ne se réfléchit pas quand tu rentres dans la vibration. Ça peut se réfléchir si tu y penses, quand tu es en dehors de la vibration, quand tu es dans la spiritualité. Mais quand tu rentres dedans, ça ne se réfléchit plus. Puis plus tu avances, moins ça se réfléchit. Mais ça se sent. Ça se sait. Ouais. Ça se sait. L'interception vibratoire de l'intelligence, c'est pas au niveau du plexus solaire, c'est au niveau du mental. C'est ici. C'est pas ici. Ici, ça fait partie d'un autre centre. C'est un centre. C'est la même énergie. Seulement, c'est pas aussi précis. Ici, tu peux te faire jouer des tours. C'est ta sangle, là, t'as-tu passé? Ici, ta sangle, là, t'as assez. T'en comprends? Dans le mental, tu peux la discuter. Cette vibration-là. Tu peux la discuter. Puis à un certain moment, elle va changer de taux vibratoire, tu pourras plus la discuter, tu n'auras plus de pensée, tu es dans l'action directe. Ou si tu peux discuter, c'est parce qu'une modification... Si tu peux discuter, c'est parce qu'elle ne se fera pas exactement comme tu penses qu'elle va se faire. Je te donne un exemple. Dans une initiation, souvent, par exemple, on va... souvent, ils vont te dire, bon, tu vas mourir, mais... Ce qu'ils veulent dire, c'est que tu vas changer... Ton ego va changer, il y a une transmutation qui va se faire, tu ne vas pas mourir. Moi, ils m'ont dit ça quand je te lève dans l'âge, tu vas mourir. Je dis, moi, tu vas mourir. J'ai pas intention de mourir. Alors, j'interprétais la vibration suivant mon angle, mais il y a une autre partie de la vibration qui descendait dans le plexus solaire pour essayer de me tasser un petit peu, me faire chialer un petit peu, me faire wiper un petit peu. Mais ça ne marche pas, parce que je savais que je n'étais pas pour mourir. Fait qu'il me fasse passer par n'importe quel test, je savais que je n'étais pas pour mourir. Puis effectivement, je suis pas mort. Mais il y a une transmutation au niveau de l'ego qui se fait. Puis souvent, il y a des gens qui se font dire, tu vas mourir. Ça arrive souvent dans les readings, sans Maurice, la fête de la mort. Puis les gens pensent qu'ils vont mourir, puis ils paniquent, comprends-tu, puis ils commencent à faire leur chapelet, puis aussi de ça. Puis c'est pas ça, bandeau. Il y en a-t-il qui ont eu cette affaire-là de la mort? Je savais que c'était moins chiant. Tu savais que c'était pas chiant? Bon, ils te donnent des dates. Je me suis plus comme... Ouais. Ça dépend comment tu le prends, mon gars. Ça dépend comment tu le prends. Il y en a qui te prennent dur. Ça jette des tombes, pis tout. Là, on rentre dans un cycle. Dans un cycle vibratoire qui est tellement subtil qu'il est difficile à capter au niveau de l'intelligence. Mais on rentre dans un cycle là, vibratoire, à peu près dans 7 jours, où les gens où certaines personnes vont pouvoir commencer à comprendre ce que je veux dire par l'interception de l'énergie de l'intelligence. L'interception, les gens qui vont commencer à comprendre ça vont commencer à se dissocier, à se séparer des gens qui ne comprennent pas. Mais pas se séparer physiquement, mais se séparer mentalement. C'est bien important la séparation mentale de ces gens-là pour que les autres qui sont encore au niveau astral, au niveau émotif, puissent faire leurs propres expériences. Sans ça, on devient toujours les béquilles des autres. Parce que la base de la pyramide doit monter constamment, constamment, constamment, constamment, constamment. Il faut que les gens puissent en arriver à leur propre niveau d'énergie. Passer du plan intuitif au plan mental. Ceux qui vont rentrer dans le plan mental, il n'y en a pas tellement, mais il y en a quelques-uns qui vont rentrer dans le plan mental dans cette vibration-là. Ils vont s'isoler parce que là, ils vont commencer à voir un petit peu trop. Là. Ils vont commencer à voir un petit peu trop. Ils vont commencer à sentir un petit peu trop les niaiseries. Ils vont commencer à sentir un petit peu trop. Tout ça, je veux dire. Là, il va se faire une séparation intérieure. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas parler au monde, mais il y a une séparation qui se fait, qui va se faire automatiquement, pour permettre aux autres de monter aussi. C'est pour ça que quand je parle de quelque chose, c'est parce que ça s'en vient qu'il y a un changement. Là, je parle d'interception des vibratoires de l'intelligence, donc ça s'en vient qu'il y a des gens qui vont sentir ça. Parce que toute cette affaire-là, toute cette énergie-là qui descend sur le plan matériel, ça doit pas servir à former un club, cette affaire-là. Faut que ça serve à élever la vibration des corps, à transformer les corps de ceux qui sont les plus prêts à la percevoir, cette énergie-là. Parce qu'il vient le temps où on ne doit plus pouvoir se reconnaître en tant qu'ego et personnalité. Puis ceux qui sont rendus à plus pouvoir se reconnaître en tant qu'ego et personnalité sont ceux qui vont pouvoir commencer à rentrer dans cette perception-là. Moi, j'appelle ça intercepter la vibration. Puis ces gens-là doivent être capables de l'intercepter, cette vibration-là, aussitôt qu'elle passe. Puis pour qu'ils puissent l'intercepter, il faut qu'il y ait la paix, il faut qu'ils soient seuls. Il ne faut pas qu'il y ait tout le poids de cette pyramide-là accroché à eux autres. Parce que c'est dans le calme de notre propre esprit qu'on intercepte cette vibration-là. On ne peut pas l'intercepter, cette vibration-là, dans le brouhaha des communications ou des relations conscientes ou spirituelles. Il y a trop de perte d'énergie. Il vient un moment où on ne peut plus perdre d'énergie. Concernant la perte de l'énergie, c'est très facile pour l'homme de perdre de l'énergie. Tant qu'il n'est pas suffisamment centrique pour pouvoir se couper complètement des autres. Mais l'homme ne peut pas se couper des autres tant qu'il a besoin des autres. Tu peux pas faire un effort mécanique là-dedans. Parce que là, tu crées des attitudes. Mais rendu à un certain moment, l'homme est suffisamment centré pour pouvoir s'occuper des autres, puis il n'a pas de choix, il est obligé parce que sa sensibilité mentale le requiert. La sensibilité de son corps émotionnel le requiert. La sensibilité de son corps éthérique le requiert. Puis on rentre dans ce cycle-là. C'est comme si il y avait de la terre, là. Il y avait de la terre poussée. Il y avait de la terre. On a préparé une terre, là. Puis là, on a semé des graines, là. Puis là, il commence à avoir des pousses. Puis quand une carotte est poussée, qu'est-ce que tu fais? Tu l'arraches de la terre. Puis ça, c'est ça qui commence. Fait que là, on va commencer à arracher une carotte. Puis ensuite, on va en arracher une autre carotte. Les carottes s'arrachent tout seul. Ça arrache. Puis ça arrache. Puis il y a des gens qui vont penser que les carottes qui s'arrachent ne sont pas intéressées à communiquer ou ne sont pas intéressées à socialiser. C'est pas ça. C'est que la carotte s'arrache pour vivre dans une autre terre qui est leur propre terre. Fernand Lévesque l'a vécu, ça. Sa carotte s'est arrachée à un certain moment, il y a quelques mois, pour qu'il vive dans sa propre terre. Puis quand il a commencé à vivre dans sa propre terre, la nature, la personnalité, la couleur de sa carotte a changé. C'est plus le même Fernand Lévesque qu'on connaissait avant quand il était dans la terre. C'est un autre Fernand Lévesque. Puis il y a que lui qui le sait. Puis moi. Puis Maurice qui le sait. Faut qu'on sorte de la terre à un certain moment. Puis quand on sort de la terre, c'est pas facile. Parce qu'on est obligé de vivre de quelque chose qui est extrêmement abstrait, qui est extrêmement personnel, qui est extrêmement... qui n'a aucune fondation sociale, qui n'a aucune fondation collective. C'est vivre de plus en plus au niveau de l'individualité. Réelle. On rentre là-dedans. Quelqu'un qui rentre là-dedans. Puis à partir de ce moment-là, quand les gens rentrent dans ça, les gens commencent à intercepter la vibration de l'intelligence, du principe de l'intelligence. Et quand ils commencent à intercepter cette vibration-là, ils commencent à devenir intelligents. Tu ne peux pas être intelligent sans commencer à intercepter ça. Tu peux être conscient, conscient spirituel, de plus en plus conscient, mais tu ne peux pas être intelligent encore. Parce que quand tu es intelligent, t'es pas intelligent. Je ne comprends pas, ça va attendre une minute. Quand tu es intelligent, t'es pas intelligent pour les autres. Tu es intelligent pour toi. Puis quand tu commences à être intelligent pour toi, tu commences à t'organiser pour toi. Puis l'organisation que tu fais pour toi, ça n'a pas d'importance que les autres pensent. Ou commence que les autres le voient. Parce que là, tu commences à créer ta propre terre, ta deuxième terre. Puis il y en a trois terres. Il y a la terre spirituelle, consciente. Il y a la terre qui vient après la conscientisation, où tu commences à rentrer dans l'interception de la vibration. Puis il y a la troisième terre que vous ne connaissez pas encore, que vous connaisserez dans quelques années. Puis cette autre terre-là est totalement occulte, elle est totalement occulte. Je vais pas en parler tout de suite, mais elle est totalement occulte, cette autre terre-là. Puis cette autre terre-là n'appartiendra pas à vos égaux. Cette autre terre-là va appartenir Cette autre terre-là, ça va être le lien entre le lien parfait entre l'âme et l'ego. Puis pour arriver à cette terre-là, il faut rentrer dans l'interception de la vibration d'intelligence. Parce qu'on a besoin à ce stade-ci de commencer à être intelligent. Puis ça sent quand quelqu'un... Ça sent, en tout cas par moi-même, quand quelqu'un est intelligent. Parce que quand quelqu'un commence à être intelligent, il y a deux paramètres qui se manifestent. D'abord, il cherche à être totalement... le plus possible, pas seul, mais pas obligés. Ils sont pas obligés. Ils sont pas obligés. Ça, c'est un aspect qui transpire. Ils sont pas obligés. Puis le deuxième aspect, c'est qu'ils savent qu'ils sont pas obligés. Parce que tu peux avoir le premier aspect où tu n'es pas obligé, parce que tu sens que tu n'es pas obligé. Puis le deuxième aspect, c'est que tu sais que tu n'es pas obligé. Puis dans l'aspect où tu sais que tu n'es pas obligé, à ce moment-là, ta carotte a fait plus partie de la terre avant. L'aspect où tu sens que tu n'es pas obligé, ça fait partie d'une sorte de psychologie plus mûre que d'autres personnes peuvent avoir, que tu peux avoir. Mais l'autre où tu sais que tu n'es pas obligé, parce que c'est bien subtil. Là, je prends le cas de Fernand, Fernand. Parce que Fernand, il a eu les deux aspects. Il a eu l'aspect où il sentait qu'il n'était pas obligé, puis l'aspect qu'il savait qu'il n'était pas obligé. Mais l'aspect qu'il sait qu'il n'est pas obligé, il n'est pas rentré parfaitement dedans. Bon. Là, il est dans l'aspect, il rentre dans l'aspect, puis il est bien dans l'aspect qu'il sent qu'il n'est pas obligé. Parce que quand tu sens que tu n'es pas obligé, tu as mis la hache dans la spiritualité de la conscience. Quand tu sais que tu n'es pas obligé, t'es dans l'intelligence. Puis pour passer de un à l'autre, t'es obligé de passer par une sorte d'isolation intérieure. Puis tout le monde doit passer par une isolation quelque part. Une isolation. Se couper d'eux. C'est à ce stage-là que l'interception de la vibration devient très grande, qu'elle neutralise complètement l'émotionnel, qu'elle neutralise totalement la spiritualité, qu'elle élimine totalement les formes du devoir spirituel ou du devoir occulte ou du devoir ésotérique, et qu'elle plonge l'individu dans une chose, son bien-être personnel. Parce que c'est pas facile, on en parle là. Parler de bien-être personnel. C'est pas facile de rentrer dans ton bien-être personnel réel quand t'es conscient. Quand t'es spirituel, t'es pas capable. T'es dans le bien-être de tout le monde. Quand tu te conscientises, c'est pas facile parce que t'as encore une patte dans le spirituel, parce que ta conscientisation est pas encore terminée. Fait que quand je parle de rentrer dans son bien-être personnel, je sais ce que je veux dire, moi. C'est radical, c'est tranchant, c'est bête, c'est froid. C'est là que t'es seul. T'es seul. Puis t'es pas seul. T'es avec ceux que tu veux être seul. Mais je sais ce que je veux dire. Ça, tu sais que les chevaux ou quoi sont obligés de sauter des barrières. Nous autres, on est comme ça. Il faut qu'on saute des barrières. Il faut qu'on les saute toutes les barrières. Puis je vais vous dire une chose encore bien plus au bout. Quand tu te conscientises, tu sautes constamment des barrières. Puis quand tu rentres dans la conscience cosmique, tu ne sautes pas, tu es défendu. Quand tu es conscient, tu sautes. Quand tu es spirituel, tu regardes. Quand tu es conscient, tu défonces tout. Une après l'autre. Parce que toutes les barrières sont des illusions. C'est là de l'épidémie. T'es défendu. Fait que quand t'es spirituel, il y en a des barrières, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Fait que tu te fais une petite échelle, tu sais, les premiers degrés, deuxième degré, troisième degré, quatrième degré. Tu te conscientises, tu t'aperçois que c'est bien réellement horizontal. Là, t'es saut une après l'autre, tu développes la résistance. Quand tu arrives au bout de ta conscience, tu ne sautes assez, tu es assez écœuré, tu n'as assez développé de la résistance, que là, il se passe en toi une transformation, tu rentres dans le feu de l'âme. À ce moment-là, tu es pète tout. Parce que là, tu as acquis le droit à ta volonté. Tu as acquis le droit à ton intelligence. L'amour reste en arrière-plan. Puis là, tu pètes toutes les barrières. Il n'y en a plus, t'es pète tout. S'il s'en présente une, t'as pète. Là, t'es rien fort. C'est Tu aimais la tuque. Puis ta belle-mère aimait de pas t'appeler le même matin. À 9h. Là, t'en as plus d'émotion pour retarder l'évolution de ton corps mental supérieur. Fait qu'après ça, it's just a matter of time. Ah, puis ça, c'est intéressant. Quand tu arrives à ce stage-là, tu pètes les barrières. C'est bien beau péter les barrières. Mais t'aimerais mieux pas en avoir à péter. T'es capable de les péter. Fait comme t'es capable de les péter, t'as plus besoin de les péter. Fait qu'à ce moment-là, t'as un beau terrain pis là. C'est là que tu commences à vivre. Alors, t'as ton intelligence qui n'est pas émotive, t'as ton mental, t'as ta volonté qui est réelle. À ce moment-là, tu traces ta vie comme tu veux. T'avoues? T'en comprends? T'as ça? Ta volonté pour le faire? Tu traces ta vie comme tu veux. Fait que si tu veux aller vivre d'un arbre d'érable dans un érable à Saint-Tite, tu t'en vas à Saint-Tite puis tu t'assis dans ton érable puis tu vis là. Parce que tu as toutes les facultés qui te le permettent. Ouais, c'est toujours sûr. Ouais. Tu fais ce que tu veux. Je suis graphique, là. Il n'y a plus de limite. Si tu veux aller vivre dans un pays chaud, tu t'organises avec ta volonté, ton intelligence, tu sacs ton camp des pays chauds. Pour aller se récréer dans... Tu crées ta situation. Tu n'es pas créateur encore parce que l'homme devient créateur dans l'intérêt. Mais seulement que tu as le pouvoir de ton intelligence et de ta volonté. Tu n'as pas le pouvoir de l'amour encore parce que c'est le pouvoir de l'amour qui te permet d'être créateur. Puis ça est dans les terres, ça. Parce que le pouvoir de l'amour permet d'organiser, de réorganiser la matière. Ça, c'est dans les terres. Attends. L'homme ne peut pas se servir de ce pouvoir-là tant que ce n'est pas dans l'intérêt. Mais il peut se servir de son intelligence et de sa volonté. Parce qu'il a sauté barré. Il a développé la résistance contre l'émotion. Il crée tout des barrières. Il n'y a même de plus. Fait que là, si ça fait partie de ta vibration, d'aller vivre dans un arbre, tu y vas. Si ça fait partie de ta vibration d'aller vivre dans un château, tu y vas. Si ça fait partie de ta vibration d'aller vivre à Timbuktu, tu y vas. T'es parfait dans ta peau parce que c'est ça que tu veux, parce que c'est ça que tu peux. Mais pour pouvoir ce que tu veux, il faut que tu aies l'intelligence pour tout organiser. Ça va ensemble, l'intelligence et la volonté. Ça se fait au fur et à mesure qu'on se conscientise. Puis qu'on a sauté les barrières pour barrières. Quand vous serez écœuré de sauter les barrières, vous mettrez le point dedans. Puis à ce moment-là, vous ferez ce que vous voudrez. Vous serez libre. Parce qu'à rendu à ce moment-là, tu sais exactement ce que tu veux. Moi, je sais exactement ce que je veux dans la vie. Exactement. C'est toujours, ce qu'on veut, c'est toujours proportionnel à aux souffrances qu'on a eues. Tout le temps. C'est toujours proportionnel aux souffrances qu'on a eues. Ce qu'on veut. C'est normal. Si tu as souffert de telle chose, tu vas vouloir l'opposer. Pas une vie fantastique, une vie réelle. C'est réel. Si je m'en rappelle un idéal, une espérance, un point d'attache, elle est plus fréquente pour parvenir à ça. Tu peux pas t'en faire un idéal parce que tu ne connais pas. Et je vous ai déjà expliqué l'intérêt vital. L'intérêt vital, c'est justement ça. C'est ce vie réel-là qui est exprimé dans l'ego quand l'ego et l'âme sont un. Fait qu'il vient un point quand tu as défoncé les barrières qui indique que l'ego et l'âme sont un. Tu le découvres, ça. Fait que tu peux avoir, comme toi aujourd'hui, tu peux rêver, ou peut-être depuis longtemps, ce genre de vie-là. Ça, c'est la forme de cette vibration-là. C'est la forme de cette vibration. Mais tu ne pourras pas le faire aujourd'hui. Mais il y a un jour où tu pourras le faire. Mais tu ne seras plus dans la forme de cette vibration-là, tu seras dans la vibration. Et à ce moment-là, ça va se faire automatiquement. Là, tu es dans la forme parce que ça fait partie de la perception de cette vibration-là. Les gens qui ont des rêves, là, il y Il y a des gars qui rêvent depuis des années de temps telle chose, puis qui rêvent telle chose. Ils ne peuvent pas le faire tout de suite, mais un jour, ça se fait. C'est la même chose. C'est pour ça que cette forme-là, qui est un but plutôt au niveau psychologique, c'est une forme qui est mise dans ton esprit par l'âme. C'est ça. Mais un jour, tu le réalises réellement, ça me suffit. Alors, c'est bon de garder nos désirs. C'est pas bon de garder nos désirs. Les désirs que vous avez sont mis dans votre tête, ouais, par l'âme. Ce sont des formes créées dans, qui sont mises dans votre esprit par l'âme pour vous soutenir, vous soutenir, vous soutenir. Mais il y en a de ces désirs-là qui seront manifestés plus tard, mais vous ne les voyez pas clairement. Vous ne pouvez pas les voir dans leur totalité, parce que vous voyez avec la forme. Mais un jour, de ces désirs-là viendront de la réalité. Ça sera réel, ces désirs-là, parce que ça sera le temps pour vous autres de concrétiser ces désirs-là. C'est pas nécessaire de les repousser. On peut continuer à les nourrir. Vous ne pouvez pas les repousser, ils sont là. Ouais. Plus, vous, plus vous les nourrissez, mais plus vous vous rapprochez du temps de ça, parce que quand tu nourris un désir, tu crées la forme, ces autres-là, tu crées la forme. Ouais. Mais tu ne peux pas le concrétiser tant que ça ne sera pas le temps. Mais ça ne retarde de rien, ça. Les désirs que vous nourrissez... Non, de briser les formes, non? Les désirs que vous nourrissez, il y a deux sortes de désirs. Il y a des désirs subjectifs, puis il y a des désirs intuitifs. Il y a des désirs qui vous sont mis dans votre esprit. Paf! Comme, un exemple, le sien, là, ça n'est pas un désir qui est mis dans son esprit. Ça, c'est l'âme qui te met ça dans la tête. Puis c'est pas réalisable, ça crée des tensions. Parce que quand un... pour répondre à votre question, quand un désir réel, il te lâche jamais. Il te lâche jamais. Puis il est là, puis il est là, puis il est là. Puis ça te fatigue parce que t'as hâte, ça se réalise, t'as hâte, ça se réalise, t'as hâte, ça se réalise. Ça vient de là. Les désirs fautifs, ils viennent, puis ils partent, puis ils viennent, puis ils partent, puis ils viennent, puis ils partent, puis ils viennent. Un désir réel, ça part jamais. C'est dans le fond de tes culottes, puis ça reste là tout le temps. Ça s'amplifie. Puis ça s'amplifie. Puis plus tu deviens conscient, plus ça s'amplifie. Puis plus tu deviens conscient, plus tu te rapproches, mais moins. C'est moins. Que tu vas l'atteindre. Moins tu es capable, plus il se rapproche, mais moins tu es capable de le saisir. Parce que tu sais pas de quelle manière tu vas l'atteindre. C'est jamais de quelle façon, de manière tu vas l'atteindre. Tu sais que tu vas l'atteindre. Ouais. Puis tu fatigues avec, puis tu fatigues avec, puis tu fatigues avec, puis tu fatigues avec, puis tu veux vivre ça, puis tu es pas capable. Pis ça te crée des maudites tensions, pis ça te crée des tensions. Puis c'est ça. Puis éventuellement, paf, c'est le temps, ça va. Plus ça va, plus il est loin. Non, mais plus tu te rapproches, non, c'est pas, plus tu te rapproches, moins sa délinéation est précisément perceptible. D'abord, le désir de l'âme, ce que l'âme veut que l'ego fasse, ce qui fait partie du plan vital de l'ego, de l'intérêt vital de l'ego. L'ego ne le réalise jamais parfaitement, mais il peut réaliser la forme, mais parfaitement, non. Elle, je disais, c'est un exemple. Pendant des années, avant qu'on se rencontre, elle était au niveau des séminaires, elle organisait des séminaires, patata. Puis, c'était son orientation, elle aurait aimé ça. Mais elle n'a jamais vécu parfaitement dans son esprit, parce qu'elle ne pouvait pas le voir parfaitement dans son esprit. C'est quand c'est venu le temps qu'elle l'a vu parfaitement dans son esprit, puis c'est ça. Fait qu'au bout, elle ne travaille plus, parce que quand tu es conscient, tu fais quelque chose créativement, tu ne travailles pas. Tu vis avec ce que tu fais. Tu balances tes vibrations. Là, c'est plaisant. C'est créatif. Mais elle ne voyait pas. Moi, je disais, dans 5 ans, tu vas travailler avec moi. Elle disait, quoi? Elle disait oui, parce que c'était moi. C'est moi qui disais, puis après, je donnais un choc. Ça aurait fallu qu'elle me dise non dans ce temps-là. Je n'étais pas un cadeau. Mais au bout de 5 ans, on the spot. Ça veut dire qu'un désir qui persiste vient de l'âme, un désir qui persiste, il vient de l'âme. C'est ça. La. Quand ça persiste pendant des années, ça vient de l'âme. Je veux pas que vous me preniez à mes mots, parce que je sais pas ce que mes mots veulent dire encore. Mais enregistre pas ça, ce que vous voulez. Je parle d'intelligence créative, d'intelligence créative. Il y a des gens qui s'imaginent quand je parle d'intelligence créative, là, je veux dire, là, devenir un architecte, devenir un ingénieur, devenir... C'est pas ça que je veux dire. L'intelligence créative, c'est la vibration de l'intelligence dans nous qui fait, qui nous permet de vivre des vies à notre aide. C'est ça l'intelligence créative. La puissance de l'intelligence créative, ça sera vécu par l'homme dans l'intellect. Donc, l'intelligence créative, c'est, sur le plan humain, nous permet d'être ajusté à notre intérêt vital. Comme moi, mon intelligence créative, on essaie de faire ce que je fais. Un autre, son intelligence créative, c'est de faire d'autres choses, mais où est bien. Alors, moi, je suis bien dans ce que je fais, l'autre est bien dans ce que je fais, dans ce qu'elle fait. L'autre est bien dans ce qu'elle fait. Ça, c'est l'intelligence créative. La puissance d'intelligence créative, ça vient de l'intellect. Quand je parle d'intelligence créative, je veux toujours dire, je veux tout parler de cette vibration de l'âme qui descend dans le goût et qui vous fait vivre des vies comme du monde, des vies à votre goût, des vies où vous êtes bien dans votre vie. C'est ça l'intelligence créative. C'est une intelligence créative. Sans ça, vous tombez dans le pouvoir de l'intelligence créative. Où? Parce que l'intelligence créative, il y a des notions de la créativité sociale portée par les autres. Oui. Conception de l'artiste, maintenant. Les gens ne comprennent pas ça des fois. Comme moi, si je vais en Chine et je donne un discours en chinois, ça c'est de la puissance de l'intelligence créative. C'est le pouvoir vibratoire. Mais on ne peut pas vivre ça tant qu'on n'est pas en fusion. C'est ça, la fusion qui donne ça. Mais les gens n'ont pas besoin de ça. Les gens ont besoin de vivre la vie comme du monde. Et bien, l'intelligence créative. Si t'es bien sur ta job, t'es heureux, t'es bien, tu comprends. Tu vis de mieux en mieux. Ça, c'est l'intelligence créative. L'opposé de ça, c'est de l'intérêt. Tu peux être seulement balayeur pour une compagnie. Tu peux avoir une intelligence créative pareil. En tant que tu es bien à côté. Ouais. L'intelligence créative, ça te permet de connaître l'harmonie de ta volonté dans la vie. Donc, t'harmonises ta vie. C'est l'intelligence créative. Pour la faire de conceptualiser, bien entendu. D'abord, ils ne sont pas prêts à ça parce qu'ils ne sont pas prêts à révéler les secrets de la science à l'homme. C'est ça que les gens qui reçoivent des informations, là, comme Bernard Labelle, qui reçoit des informations sur son carburateur, à un certain moment, ils ont coupé. Les gens qui veulent faire quelque chose par le canal psychique, comme il y en a beaucoup, j'en connais beaucoup en science, qui font ça. À un certain moment, ça coupe. Ça sert simplement à leur transformation, à leur sensibilisation. Et quand ils viennent pour s'en servir, quand ils viennent pour mettre ça au niveau de la société, c'est coupé automatiquement. Ils ont des obstacles à tous les niveaux. Tous les niveaux, ils ont des obstacles. Moi, je connais un homme qui a construit une machine aux États-Unis là, qui crée de l'électricité à distance. Ça ne peut pas marcher. Ils ne peuvent pas le mettre. Donc, il y a des obstacles. On ne peut pas se servir de la science tant que ce ne sera pas le temps. Puis quand ce sera le temps, ce sera dans des conditions qui sont autres. Ils ne sont pas intéressés à nourrir la machine militaire mondiale. Ces gens-là ont tous des problèmes. Ils ont des problèmes avec les agences d'information, ils ont des problèmes avec les agences d'espionnage, ils ont des problèmes avec tout ça d'affaires. Tous les scientifiques. Alors. Même moi, j'ai eu ma ligne de téléphone tapée pour la RCMP. Ça n'arrête pas, ça. Ils sont intéressés, eux autres, au développement de la conscience pour que l'homme en arrive un jour à passer d'une vibration. Dans une de mes temps, quand tu es assez avancé, tu en arrives à pouvoir vivre sa vie comme du monde parce que ça comprend la vie, plus tu commences à vivre au lieu d'exister. Ça, c'est l'intelligence créative. C'est avec ça qu'on a besoin. Le reste, c'est des illusions de l'ego. Genre la société, créer des patterns, ainsi de suite. Comment? les gens qui ont de la technique, les gens, surtout les ingénieurs, les tissus qui sont dans la technique, dans la science, qui sont pris dans cette vibration-là, ils en passent un mot un petit quart d'heure. Parce que c'est dur de sortir de ça. Parce qu'ils l'ont en vibration. Comment ce qu'il s'appelle celui qui est à bel oeil, là? Garon, Gilles Garon. Il a la vibration. Là. Quand il veut te créer, il appelle ça des bidules. Quand tu veux créer des bidules, des gadgets, ça coule dans l'esprit. À un certain moment, il va être un bloc. L'intelligence créative. Puis c'est une grande souffrance pour ces gens-là. Quand tu n'as pas cette vibration-là, tu souffres de d'autres choses. Mais quand tu as cette vibration-là, tu souffres de ça, là, je te jure que tu en souffres tout le temps. Ça, parce que ça marche tout le temps. Il y a un écran mental, puis il veut créer une patente, il avoue, puis là, il travaille dessus, puis il travaille, puis après ça, il bloque. C'est une souffrance. Ils ne sont pas intéressés à ce qu'on descende, à ce que la science descende sur la Terre encore. Ils sont intéressés à ce qu'on devienne conscient, puis après ça, la science, elle descendra sur la Terre automatiquement. Sans ça, on ferait un fiasco avec nos émotions. Moi, j'ai vu des machines, là, des machines qui vont servir à l'homme en l'an 2080. Vous n'allez pas que ça soit sa tête tout de suite. Tu dis que Gerald Motor fera faillite tout à l'heure. Puis, il me permettait même pas rentrer dedans, bon, là. Regardez, il faudrait que je les voyais à distance, monsieur. Là, pour au mur. Mais rentrer dedans, non. Je ne peux pas rentrer dedans. Il faut que tu en connaisses trop les secrets. Vous avez fait foncer sa gazoline. Comme son énergie solaire aussi. Oh, c'est pas l'énergie solaire, c'est l'énergie éthérique. Nous, on va faire des expériences sur l'énergie solaire. Bon, mais ça, c'est la mode partout. Aux États-Unis, c'est la même chose. L'énergie éthérique. Ils te permettent même pas de rentrer dedans. Moi, j'en ai pas d'imagination. Ils veulent pas qu'on en sache trop. Parce que l'ego rentre dedans. Puis il rentre. C'est quelque chose, l'ego. Si. Moi, j'ai vu des maisons. Tu croirais pas des maisons. Ça se pense même pas des maisons de même. Des maisons tout en vitre, qui tiennent tout seul. Puis la vitre, pas les affaires comme on a aujourd'hui, les plaies de glace. La vitre. C'est extraordinaire. Des femmes que tu peux même pas t'imaginer. Des femmes que tu peux même pas t'imaginer. C'est possible. Les gens qui sont poignés dans l'illusion de la science cosmique, je te dis qu'ils ont un chemin à faire. Tu vas sortir de cette illusion-là pour prendre un cours. Puis là, tu souffres. Moi, je sais que plus on avance, plus ils désengagent l'ego, puis ils désengagent, puis ils désengagent, puis ils désengagent. Puis d'ailleurs, c'est rien que ça qu'ils font. L'initiation solaire, c'est le désengagement de l'ego au bout. C'est le désengagement de l'ego. T'as beau dire, maudit, c'est assez, là, je suis assez désengagé, là. Il désengage encore. Tu sais, sais-tu comment est-ce que c'est? Tu sais, tu regardes une table, tu dis, ah, c'est propre la table, mais regarde avec un microscope, elle est crottée, mais c'est la même chose. On se pense qu'on est bien, on pense qu'on est bien clean, puis quand tu te regardes au microscope, tu t'aperçois que t'es pas clean. Puis, qu'est-ce que c'est le microscope? C'est les expériences. Si tu viens, t'es bien solide, comprends-tu, là. T'es bien conscient. Puis là, tu tombes une tuile sur la tête. Paf! Tes émotions montent en surface. Tu t'aperçois que tu n'as plus rien à les oreilles. On se pense solide, puis on se pense fort. Je vous le dis bien, maudit, je vous le dis bien. C'est C'est pour ça qu'il vient un temps, tu peux plus supporter ta conscience. Il faut que tu aies de l'intelligence pour la comprendre. C'est là. Faut que tu l'interceptes, la vibration. Tu l'intercèdes. Là, tu la comprends. Puis c'est ça qui te permet de continuer. Tu peux continuer 10, 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 100 ans, 200 ans. Ça continue. La support. C'est automatique, là. C'est automatique. Ça se fait naturellement, facilement. Mais il ne faut pas qu'il y ait de l'ego. Aussitôt qu'il y a de l'ego, je travaillais dans une librairie, moi. Puis mon fun dans la librairie, de temps en temps, mon fun, c'était pour me relaxer. J'avais tellement de tension dans ce temps-là. C'était de déplacer des livres à distance. Ça me relaxait. Mais je ne pouvais pas le faire quand je voulais. Puis d'un coup, là, hop, il changeait les vibrations. Là, je commençais à me promener autour parce qu'il il y avait comme des livres au centre de la librairie. Là, il faisait commencer à me tourner. Là, il me faisait tourner autour comme un chien. Tourner. Je dis arrête, vierge. Je continue. D'un coup, là, mon corps, là, à cause de fusion, mon corps arrivait, là, puis il arrêtait de. Hop, là. Là, je devenais comme un petit soldat de bois. T'sais. Je me retournais de bord, je regardais le livre. Là, le livre s'en allait, Pouf, je le prenais dans mes mains. Ça, c'était mon fun, ça me relaxait. Puis un jour, ils ont arrêté ça. Mais pourquoi ça a été là? Ils disent, t'as plus besoin d'être relaxé. C'est totalement l'opposé. Leur psychologie est totalement opposée de nous autres. Ça venait seulement quand j'avais eu des gros chocs, là. Juste avant, là, une couple de jours avant, j'avais eu des gros chocs, là. J'étais arrivé à me mettre à terre. Pour me remonter, pour me donner. Oh, vous autres, vous appelez ça des preuves. Pour me reprouver leur présence. Pas pour me donner des preuves, mais pour me reprouver la connexion, parce que j'étais tellement à terre, là, que je ne voulais plus rien savoir. Puis pour. Son mot dit, hein, pour refaire la connexion, il passait à travers de ça. Fait que là, ça faisait la connexion, là. Fait que là, je disais, OK, j'ai bien souffert, au moins tu me donnes quelque chose. J'ai une balance. C'est pas de souffrir, puis au moins vous donnez mon sang. Fait qu'il rebalançait. Puis après ça, là, il arrêtait ça, là. Puis là, il sacrait un autre choc encore. Là, l'auto, il y a encore. Là, ça rebalançait. Là, tu deviens chum-chum avec les autres. Là, t'es fin, tu cœurs, tu chiales, tu les aimes, là. Jusqu'à temps que tu sois tellement écœuré d'eux autres que tu veux plus rien savoir d'eux autres, tu veux même pas lever les livres. Les gens disent c'est long, 10 ans, 15 ans. C'est court. C'est court en maudit 10 ans, 15 ans. 20 ans. C'est l'ego qui trouve ça là, parce que l'ego, il a le temps. Quand tu n'as plus de temps, 20 ans, il y a rien là. Parce que l'ego a le temps. L'ego, il a le temps. L'ego, il veut être satisfait. Non. C'est dans l'opposé complètement. Hein. Quand l'ego peut attendre, là, parce qu'il n'attend plus après quelque chose, là, l'ego, il vit, là. C'est pour ça que t'en arrives à vie, t'occupes même de toi, là. Tes affaires. C'est bien dur de comprendre pour la fête des hindous, là, les gouzous avec le détachement spirituel. Là. Mange des raisins, tu te détaches. Là. Tu te détaches tant que tu veux. Tu te détaches tant que ça te fait plaisir de te détacher. Mais quand tu te détaches, les autres, ça te fait plus plaisir de te détacher. Moi, quand je regarde ça, la littérature hindoue, là, ça me fait rire. On dirait que c'est pour les enfants. J'ai des bons petits-enfants. Astralise-toi, là. Mange des garottes, là. Accroche-toi aux 5 mules. Tu veux rentrer dans le nirvana. Nirvana. Si les gens savaient qu'est-ce que c'est le nirvana, Nirvana. Maudit qu'on est des yo-yo. Mais on n'a pas de choix de savoir. On commence à savoir. Je suis pas supporté le poids de cette affaire, de ce savoir-là bien longtemps. Moi, il va venir un point où vous autres, vous allez trouver le savoir. Là, je prends le brunt de la situation là, pendant quelques années. Là. Les coups, je les prends. À gauche pas à droite. Les réactions des égaux, je les prends pour que la vibration passe. Mais quand elle va passer à la vibration, c'est eux qui allaient prendre les coups. Moi, je commence à être tanné, moi, d'être le niaiseux. Mais quand vous allez être suffisamment en vibration, qu'aussitôt vous allez ouvrir votre gueule, vous allez changer la vibration de quelqu'un, là, il va vous donner des coups. Là, il va être content, il va sacrer mon camp. Je vous dis, je l'ai fait l'affaire. À ton tour, Charlie. C'est ça que j'attends. J'ai jusqu'en 84 à le faire. Laisse-moi dire qu'en 84, ça va être fait. Je ne me trompe pas. Donc, quand vous allez ouvrir vos boîtes, elle va descendre la vibration. Puis après vous autres, ça va être d'autres. Puis elle va descendre la vibration. Puis après ces autres, ça va être d'autres. Puis ainsi de suite. Ils vont aller chercher les 144 000. Ça va pas moi qui vais aller chercher. Ils vont aller chercher tout seul.